Prologue de la pièce « La farce de Maître Patelin » par Édouard Fournier. Dialogue audio gratuit, enregistré par Gérard pour audiocité.net, sous licence Art Libre, CC BY-SA. Note introductive, pour ne pas casser la dynamique du dialogue, les interventions de la comédie seront précédées d'un double bip grave et celles de la farce d'un double bip aigu. C'est la comédie qui va entamer le dialogue. Fin de la note introductive. Donc, vous êtes la farce et vous osez le dire ici. Pourquoi donc pas, puisqu'ici j'ose rire, et comme on riait au bon temps, non comme vous, du bout des dents, madame de la comédie. Vous comparez à moi, vous êtes bien hardi, vous le prenez là. Comme il faut, c'est vous qui le prenez trop, vous n'êtes que mon écolière. Ah, je vous trouve enfin par trop familière. Quand nous allions, souvenez-vous, tenant bras dessus, bras dessous, tous les deux l'ami de Molière. Vous n'étiez pas si cavalière avec moi. Caresse, douceur, sourire, accueillez votre sœur. Vous, ma sœur? Certes, et l'aînée de beaucoup. Je suis même née, mais ceci tout bas entre nous, un peu plus française que vous. Par exemple, je suis alors une étrangère. Que fit admettre à la légère la mode, compris pour le goût. Vous venez un peu de partout. Grec, latin de la Renaissance furent de votre connaissance intime, et sous prétexte d'art, vous barbouillèrent de leur fard. Il vous en reste sur la joue. Moi, le latin me désavoue, hélas, pauvre caquet-bombec, et je ne comprends pas le grec. Vos grâces se sont arrangées de leurs vieilles fleurs mélangées. Puis, en vos premières saisons, vous y joignîtes les façons d'une intrigante d'Italie. Puis, encore. Certes, car j'oublie ce que vous avez d'espagnol. Moi, je suis la fille du sol. J'ai, la plus fière en serait vaine, du sang de France en chaque veine. Le seul vrai rire où je me plais rit dans Molière et Rabelais. Je vis de l'air, des folles courses, et n'ai pour phare que l'eau des sources. L'esprit gaulois qui me lança à travers pays me dit « Ça, parle, chante, mort et fais rire !» Un coin de borne pour écrire tout, pièces, rôles, écriteaux. Pour scène, deux mauvais tréteaux. Pour décor, quelques pans de toile. Et pour lustre, la belle étoile. Tel fut, en gros comme en détail, mon théâtre nu, mais sans bail. Qui jouait? Tout le monde. Ah, troupe. Toujours prête. Et vous couriez? Partout. Vous aviez? La charrette. Le rire marquait nos relais, jusque chez les clercs du palais. Je vins au hall. Pouah! Soit, cela sent la crotte. Un peu. La craint-on lorsqu'on trotte le pied léger en jupon court? Et vif comme moi, mon vers court. Ta ta ta ta ta ta ta ta, quel rythme étrange! Le mien. Toujours. Toujours. Changé. Pour perdre au change. Non, gardez votre alexandrin. Je ne vais pas du même train que le cite ou le misanthrope. Je prends donc le vers qui galope. Et que nous direz-vous sur ce rythme au galop? Patelin. L'avocat. Ah, je le connais trop. Non. Comment? Soit dit sans reproche. Moi, c'est celui de la basoche, le vrai, que j'apporte séant. Qui devança de 200 ans Molière. Je veux qu'il renaisse, pour bien fixer le droit d'aînesse que l'on conteste à l'art français. Il viendra battre en ce procès l'art allemand. dont l'humble étrenne n'était qu'une farce foraine, quand Patelin riait ici. Et l'art de l'Angleterre aussi, car il vint bien avant Shakespeare. Il a, soyons fiers de le dire, ce vieux vin que rien n'a gâté, 4 siècles, tout bien compté. Grand merci de la nouveauté. Mesdames, il faudra qu'on le prenne comme le fruit d'après sa graine, tel qu'il est, retors et matois, avec son style et ses patois. C'est pas toi. Le drôle en dégoise 7 coups sur coup, qu'il entrecroise, qu'il mêle et brouille, fin et dru, chacun avec l'accent du cru. Bizarrerie. Indispensable. La farce alors, la véritable, eut toujours son coin de jargon. De là même lui vint son nom. Pour être vraie et réussie, il fallait qu'elle fût farcie, notez ce mot, de quelques vers pris à des baragouins divers. Avec un avocat, la partie était belle. 7 langues à la fois. Pour cette kyrielle de mots, de tons, d'accents de toutes les couleurs, on ne pouvait trouver mieux qu'un de ces parleurs dont il faut qu'on palait la voix nous assourdisse et qui n'ont jamais trop de bruit à leur service. Et la pièce, y voit-on au moins un peu d'amour? Non. Non. Décidément, vous n'êtes pas du jour. Donc, vieux mot, vieil esprit, vieux type, et le reste. Vieux mot, c'est vrai. Gros et menu. Gros surtout. Peste. Entendrez-vous, sans vous fâcher, rigoler? Diable. Remoucher. Oh, c'est du temps. La langue était familière. D'autres encore? Oh, oh. Mais qui sont dans Molière? Soit. Un dernier petit détail pour vous épargner le travail dont le plus érudit s'effraye. Alors, le sou, noble monnaie qu'on fit bien déchoir de son rang, valait ce que vaut notre franc. Pour reçu d'or, valeur courante, il en fallait aligner 30. Cela dit, suivez jusqu'au bout, et s'il se peut, prenez en goût notre farce. Dans la lumière de sa naïveté première, on veut la remettre aujourd'hui. Plus rien ne lui viendra d'autrui, on la verra comme elle est née. Sa robe, un peu vieille et fanée, avait perdu de ses couleurs. On en a ravivé les fleurs, mais d'une main tendre, discrète. Pour quelques mots qui sont partis, s'il en est d'autres qu'on lui prête, ils sont de leur mieux assortis. En s'ingéniant pour la rendre telle que jadis elle l'a plu, il fallait la faire comprendre. C'est tout ce que l'on a voulu. La voici donc, je vous le jure, en l'état de simple nature, sans oripeaux, sans falbala, mais aussi sans morale, hélas. On y va, corsaire à corsaire, et le vol s'y fait fanfaron. Si la morale est nécessaire, je n'en verrai qu'une sincère, celle du 3e larron. Et l'auteur, quel est-il? Vous devez, je suppose, le savoir. Non. Serait-ce une énigme? Sans clé. Je n'en parle pas, et pour cause. Lui-même, hélas, n'a pas parlé. François Villon? Qui sait? Le drôle eut tout de l'œuvre. Adresse, esprit. Fripon, il eût joué le rôle. Et poète, il l'aurait écrit. Bref, entre beaucoup, on balance. Chaque ville voudrait le sien. Ne lui faisons pas violence. Pour le laisser dans son silence, le mieux est de n'en dire rien. Et de commencer. Je commence. Amuserez-vous? Je le pense. Moi, j'en doute. Nous verrons bien.